Ce matin, on va parler que nous connaissons un Dieu qui nous dépasse. Un Dieu, on l'a chanté, saint, élevé, tellement au-dessus de tout ce qu'on peut penser, imaginer. On a un Dieu grand. Et on va s'attarder surtout à un texte, bien que je vais citer d'autres versets dans l'Écriture, mais je veux surtout m'attarder au texte de Romains, chapitre 11, versets 33 à 36. Je vais faire la lecture du texte. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Frères et sœurs, le Dieu que nous connaissons, le Dieu que nous servons, que la Bible présente, nous dépasse complètement. Il est, pour employer les termes bibliques, insondable, impénétrable, incompréhensible dans sa totalité, puisqu'il est infini. Dans le psaume 145, on dit ceci, « L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. » Dans 1 Timothée 6, 16, on nous dit qu'il habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, tellement Dieu est grand. Il est difficile, voire impossible, de le concevoir, de le saisir parfaitement. Autant sa personne que ses voies, la façon dont Dieu agit, que même ses œuvres, tout nous dépasse. Il s'agit de réfléchir le moindrement et très rapidement, on arrive à une dimension où on dit, attends un peu, devant quoi je suis? C'est tellement grand. Nous sommes incapables d'expliquer Dieu de façon exhaustive, puisqu'il est entouré de mystères, puisque, comme dit Ésaïe, il est un Dieu qui se cache. Dans le livre de Job, on nous pose la question suivante. Est-ce que tu prétends sonder les pensées de Dieu? Est-ce que tu penses parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux, que feras-tu? Elle est plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu? La mesure est plus longue que la terre. On ne peut pas le mettre dans une petite boîte. Pour employer une expression que Don Carson emploie, il dit, on ne peut pas domestiquer Dieu, comme on fait avec un animal, où on le met à notre main, où on s'arrange pour qu'il fitte dans notre vie. On ne peut pas faire ça avec Dieu. Il est trop grand, les cieux des cieux ne peuvent le contenir, Salomon nous mentionne. On ne peut le réduire à quelques propositions ou quelques affirmations en disant « voici en 10 points ce qu'est Dieu ». Même un livre plus gros ne pourrait pas nous présenter Dieu dans sa totalité. Si les livres qui présenteraient les œuvres que Jésus a faites selon l'Évangile de Jean, le monde ne pourrait pas les contenir. Encore bien moins ce qui nous expliquerait Dieu. Il est infiniment élevé au-delà de notre capacité de perception, de même notre imagination. C'est ce que ce texte nous dit, en d'autres mots. Et ce qu'on va faire ce matin, 2 points, je partais pour dire bien simple, là, mais ce n'est pas simple, mais en tout cas, on va tenter de résumer en 2 points ou 2 questions. Qu'est-ce que nous enseigne réellement ce texte? Romains 11, versets 33 à 36. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça change, ce qui est contenu ici dans ce texte? Alors, qu'est-ce que nous enseigne le texte? D'abord, il y a une structure ici, puis il y a un contexte. J'ose vous rappeler qu'on est à la fin de la partie théorique où Paul présente aux Romains son évangile, l'évangile de Dieu. Et il va partir du fait comment Dieu a sauvé, justifié des pécheurs, autant chez les non-juifs que chez les juifs. Il les a justifiés par le sacrifice parfait de son Fils Jésus-Christ. Et l'homme doit croire, et en croyant, il est lavé, pardonné de ses péchés. Et maintenant, il y a une vie complètement nouvelle où on est réconcilié avec Dieu. Et ça, c'est chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Chapitre 9, aller jusqu'à chapitre 11, puis ce texte termine le chapitre 11. Là, il nous fait un peu l'histoire de la rédemption, puis il met ensemble comment Dieu a d'abord commencé par Israël, ensuite est passé aux nations, va revenir à Israël, mais comment il agence tout ça pour faire en sorte que tous, sans exception, ce qu'ils ont besoin, c'est de la miséricorde de Dieu. Et après nous avoir tout expliqué, on pourrait dire, bien, c'est le temps de passer à la partie pratique. Romains chapitre 12. Romains 12, 13, 14, 15, 16, ça c'est vraiment la partie pratique. Le chrétien, on présente l'Évangile, il passe à l'action. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre Paul fait. Il dit entre les deux, là, il y a un temps d'adoration. L'Évangile devrait nous amener à être des adorateurs, émerveillés, comprendre qu'on a un Dieu qui nous dépasse. Et de cette adoration, le croyant, ensuite, se met à l'œuvre. C'est du trop plein de ce qu'il comprend de Dieu, même si c'est une connaissance imparfaite, mais de ce qu'il connaît de l'Évangile, dans un esprit d'adoration, d'émerveillement, il se met à l'action. Force, la puissance du christianisme, de l'éthique, de la morale chrétienne, ce n'est pas en nous en disant « là, je me prends en main ». Elle vient de comprendre l'Évangile, d'une bonne compréhension de ce qu'est l'Évangile, d'être touché par cette compréhension-là, de devenir un adorateur, et ne vous en faites pas. Le changement du comportement va venir par la suite. Mais c'est ça le contexte ici. Mais ce qui est spécial, c'est qu'il va nous présenter ce pourquoi il adore Dieu. Il adore Dieu malgré qu'il nous a dit plein de choses qu'on peut connaître. On connaît l'Évangile, on connaît des attributs de Dieu, on connaît Jésus, son œuvre qu'il a faite à la croix, tout ça. Mais il nous amène dans l'adoration, surtout pour les choses qu'on ne connaît pas, les choses chez Dieu qui nous dépassent. Ça l'amène en adoration. Alors, voilà le contexte. Dans la structure, d'abord au verset 33, ça devrait apparaître à l'écran, voilà. Au verset 33, il y a trois affirmations concernant ce Dieu qui nous dépasse. Trois affirmations. Première, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. Deuxième affirmation qui nous présente un Dieu qui nous dépasse, que ses jugements sont insondables. Troisième affirmation, ses voies sont incompréhensibles. Ça est suivi au verset 34 et 35 de trois questions de rhétorique. Quand je dis de rhétorique, c'est comme une forme oratoire ou une forme d'écriture où il pose des questions puis la réponse est impliquée. Il pose une question, puis la réponse, c'est « personne ». Il y a trois questions. Donc, il y avait trois affirmations, c'est suivi de trois questions. Première, qui a connu la pensée du Seigneur? Réponse, personne. Personne ne peut comprendre la pensée du Seigneur, totalement. Deuxième question, qui a été son conseiller? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assez « wise », assez intelligent, qui comprend assez les choses, qui dit « Hey Dieu, voici ce que tu devras faire. » Et Dieu dit « Ah, j'avais pas pensé à ça. Hey, merci beaucoup. Une chance que je t'ai. Hein? » Non, personne n'a jamais conseillé Dieu. Et la troisième question, est-ce qu'il y a, qui lui a donné le premier pour que Dieu ait à recevoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose que Dieu n'a pas, puis qui donne à Dieu, et que Dieu dit, « Aïe, merci beaucoup, je suis dépendant de toi, j'avais besoin de toi, merci. » La réponse, c'est « personne ». Donc, un Dieu qui est dans une catégorie supérieure, inatteignable. Il n'y a aucun homme qui est capable de le conseiller, de lui dire quoi que ce soit, puis de le comprendre totalement. C'est ça qui, le point des trois questions. Et ensuite, il y a trois angles qui montrent aussi l'immensité de Dieu. Verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont quoi? Toutes choses. De lui, ça veut dire que toutes choses qui existent, parlons entre autres des choses créées, tout vient de lui, l'origine. Tout est par lui, ça veut dire que tout ce qui est en branle, le mouvement, Dieu soutient toutes choses, c'est par lui que les choses arrivent. Et tout est pour lui, il est le but ultime de toutes choses. Tout pointe vers lui, tout est en d'autres mots pour sa gloire. Et il est en train de répondre parce qu'il y a un quart qui n'est pas nécessairement dans le texte en français, mais qui est là dans l'original. Il pose la question, verset 35, « Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Car c'est de lui, par lui et pour lui qui sont toutes choses. » Alors, est-ce que Dieu reçoit quelque chose? Non, c'est de lui. Tout lui appartient, tout vient de lui. Il est le Créateur, il est à l'origine. Tout passe par lui, c'est lui qui contrôle toutes choses. Et tout pointe à lui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut y rapporter quelque chose? Non. Et donc, dans la structure, il y a, si vous avez bien remarqué, il y a trois séries de trois, là, et le tout conclut à la fin du verset 36, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Ce Dieu incompréhensible dans sa totalité, c'est à lui que revient la gloire. Donc, en résumé, quel est le message du texte? Ça va apparaître. Dieu, ici, il est célébré pour le fait qu'il nous dépasse complètement. Il est célébré pour le fait qu'il nous dépasse complètement. Si on vous pose la question, de quoi on a parlé à l'Église ce matin? Dites, on a parlé du fait que Dieu, il est adorable parce qu'il nous dépasse complètement. Ça, c'est le point central, c'est le message central de ce texte ici. Il y a des indices dans le texte. Quand je vous dis l'idée de que Dieu nous dépasse, le premier mot au verset 33, c'est « au quoi? » Profondeur. Profondeur. C'est la distance, la profondeur, c'est la distance en dessous de la surface. C'est utilisé souvent pour mesurer la terre. C'est quand il nous dit que la petite graine est tombée dans un sol peu profond, c'est le même mot profondeur, donc peu de distance de la surface. Pierre, il lui est dit d'avancer son bateau en pleine eau, c'est en profondeur d'eau littéralement, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau en dessous. Et c'est une expression qu'on retrouve aussi dans 1 Corinthiens 2:10, les profondeurs de Dieu. On nous dit que l'Esprit Saint sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire la sagesse, l'intelligence, la puissance, les voies de Dieu, la profondeur de cela, l'Esprit-Saint, lui, comprend tout ça. S'il y a un verset dans la Bible qui nous présente que le Saint-Esprit est Dieu, c'est ce verset-là. L'homme, lui, ne peut pas comprendre, les anges ne peuvent pas comprendre, mais le Saint-Esprit, lui, sonde la profondeur de Dieu. Une sonde, vous savez, quand... c'est employé pour des bateaux. Tu descends une sonde, puis à un moment donné, oh, tu arrivais dans le fond. Et ça te donnait ta distance. À cette heure, on a des sonores. Mais imaginez là, que tu le descends, oh, tu n'as plus de corde. Tu rajoutes de la corde. Bien, quand on tente de comprendre Dieu, c'est profondeur infinie. Il y a toujours plus. Profondeur. Trois aspects sont mentionnés de la profondeur. Ô profondeur de la richesse, ô profondeur de la sagesse, ô profondeur de la science de Dieu, verset 33. Ensuite, tu as le mot insondable. Que ses jugements sont insondables. C'est encore l'idée de sonde, en tout cas dans notre mot en français. Dans l'original, le mot insondable, la définition du dictionnaire, c'est « se dit de ce qui est impossible à comprendre sur la base d'un examen ou d'une investigation minutieuse. Tu t'arrêtes puis tu tentes de comprendre n'importe quel aspect de Dieu, sa personne, n'importe quel de ses attributs, ses œuvres qu'il fait, même la création. Puis t'asseyes et malgré un examen minutieux, rigoureux, tu ne le comprends pas totalement. Ah, tu saisis des aspects, mais jamais totalement. C'est insondable, verset 33. Verset 33, incompréhensible. Encore là, il faut le comprendre, il faut le saisir par « on ne peut le comprendre totalement ». Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre du tout Dieu. Je vais revenir là-dessus. Mais on ne peut pas le comprendre de façon exhaustive, dans sa totalité. Les trois questions nous amènent là aussi. Je vous dis que le message, c'est que Dieu est insondable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les trois questions nous amènent dans cette direction-là. Dieu, on ne peut pas tout le comprendre. Mais, qu'est-ce qu'on fait face à ça? On se décourage, on se dit, oh, qu'est-ce que tu veux? Paul célèbre Dieu. Et les indices dans le texte, il y a un petit mot très important. C'est quoi votre premier mot au verset 33? Oh! Ça veut dire quoi ça? Oh! Oh, profondeur! Oh! Ça veut dire quoi? Wow! Wow! Puis même, il y a un petit mot au verset 33, la deuxième phrase. Que! Ça veut dire quoi ça? Que! Ça veut dire combien? Combien? Comment ses jugements sont insondables? Ça démontre un émerveillement, ces mots-là. On pourrait le traduire par « wow », un émerveillement. Et une adoration, parce que tout, on appelle ça une doxologie ici, verset 33, après nous avoir tout écrit, 1 à 11, l'apôtre Paul, la théologie, sa réflexion sur Dieu, sur son œuvre, l'amène à l'adorer. Vous faites de la théologie? Vous êtes des théologiens? La théologie bien faite, saine, amène à l'adoration. Si ça vous amène à vous enfler, à vous voir comme supérieur, il y a un problème. La théologie nous amène à voir combien Dieu est grand, nous dépasse, nous humilie, ne nous décourage pas, mais nous amène à célébrer Dieu, parce qu'on a un Dieu si grand. Donc, en résumé, de quoi nous parle le texte ici? Dieu, je le répète, est célébré par le fait qu'il nous dépasse complètement. Je précise, j'ouvre une petite parenthèse. Les anciens théologiens, si vous lisez les volumes un petit peu plus âgés, il parlait de l'incompréhensibilité de Dieu. OK? Incompréhensible. Mais sauf que ce qu'on doit réaliser, c'est que dans le vieux français, le mot incompréhensible voulait dire qu'on ne peut pas comprendre totalement. Nous, quand on dit incompréhensibilité, on pense que ça ne se comprend pas pantoute. Alors, il faut faire attention quand on lit ces textes-là. Ça, c'est vraiment ce qu'ils veulent dire. Dans les textes les plus modernes, on va parler qu'on ne peut pas comprendre Dieu totalement, de façon exhaustive. C'est pour ça que moi, j'aime mieux un titre bien québécois. On a un Dieu qui nous dépasse complètement, qui nous échappe. Les gens qu'on appelle les agnostiques, c'est leur position, eux. C'est de dire, il y a un Dieu qui existe probablement, parce qu'ils ne sont pas non plus très, très forts, là, mais probablement qu'il y a un Dieu qui existe, puis de toute façon, on ne peut pas le connaître. S'il existe, il est trop élevé, puis il est dans une autre dimension, puis on ne peut pas le connaître. Nous, notre position comme évangélique, avec l'Écriture en main, c'est de dire, on a un Dieu grand qui nous dépasse, mais on peut le connaître. Réellement, véritablement. N'est-ce pas? La vie éternelle, c'est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Je ne peux pas tout le saisir, mais je peux saisir des parties qu'il m'a écrites, qu'il m'a données dans l'Écriture, qu'il me révèle au travers de l'Écriture. On a chanté tout à l'heure, « Ouvre les yeux de mon cœur ». Et il nous fait saisir des aspects de sa personne, mais il y a toujours place à en découvrir davantage. Mais nous pouvons réellement le connaître. Sans quoi, ça serait complètement pensé. L'apôtre Paul a écrit les 11 premiers chapitres, puis il dirait, « Vous ne pouvez rien comprendre. » On dirait, « Bien, pourquoi tu as écrit ça d'abord? » On perd notre temps, tu as perdu ton temps à l'écrire, puis on perd du temps à le lire si on ne peut rien comprendre, si tu es complètement incompréhensible. Mais son idée, c'est de dire, regardez bien, je vous ai apporté, au travers des premiers chapitres, des vérités, des aspects. Méditez, appropriez-vous de cela. Mais gardez toujours en tête que ce que vous saisissez, ce n'est pas la totalité. Puis qu'il y a toujours place à grandir dans cette compréhension-là. Et le fait que ce Dieu-là est si grand, puis au-delà de notre capacité de tout le comprendre, ben c'est pas grave. Ça nous amène à marcher par la foi, le louer puis l'adorer, parce que dans le fond, celui qu'on adore, le moment où moi, je comprendrais tout Dieu, je serais Dieu moi-même, puis je n'aurais plus besoin. Et il y a un monde, une infinité entre nous et la personne de Dieu. Qu'est-ce qui nous dépasse chez Dieu, selon le texte, très rapidement, et profondeur de sa richesse, au verset 33, « Ô profondeur de la richesse ». La richesse de Dieu, bien sûr, il y a l'idée que toute chose lui appartient, mais il est souvent employé dans le contexte du salut, la richesse de sa grâce. Il nous est dit... Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité? Dieu, il est riche en miséricorde. Vous saisissez un aspect de l'amour de Dieu, pas vrai? Vous saisissez un aspect de sa miséricorde. Mais Paul dit, il y a une profondeur infinie. Continuez à méditer. Ah, des fois, on la saisit si peu qu'on a l'impression qu'il ne nous aime plus, qu'il ne nous aime pas. Profondeur de la richesse, toutes les provisions que Dieu nous donne. Il y a tellement un beau verset. « À moi qui suis le moine de tous les saints, la grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » La richesse de Dieu, c'est Jésus. Puis Paul dit, il y a une profondeur là, Jésus, ce qu'on a en lui. Les provisions qu'on a en Jésus, là, c'est infini. Ensuite, il parle de la profondeur de sa sagesse et de sa science. Dieu, son intelligence n'a pas de limite, nous dit le psaume. Il sait parfaitement le passé, il sait parfaitement le présent, il sait parfaitement le futur. Il nous connaît, chacun de nous, c'est dans le psaume 139 où David dit « Une science aussi merveilleuse, ce Dieu-là qui m'entoure par derrière, par devant, qui me connaît, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, comment il peut faire? » Il connaît même les choses qui auraient pu se produire. À un moment donné, David était dans une ville, puis il dit « Seigneur, si je reste dans la ville, est-ce que la ville va me livrer? » Dieu dit « Oui ». Alors David est parti de là, mais on ne le sait pas. Dans le fond, il allait-tu le livrer ou pas, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire, mais Dieu sait les choses possibles qui auraient pu se produire. Quand on fait un plan pour quelque chose, on y va avec notre connaissance, notre intelligence, on bâtit. Et Dieu, lui, tout ce qu'il fait est parfait parce que c'est le fruit d'une sagesse et d'une intelligence infinie, parfaite. Et ça devrait nous amener à avoir confiance en lui. Donc, sa sagesse et sa science, au verset 33. Ses jugements et ses voies, verset 34, sont infinis, insondables. Que ses jugements? Et les jugements ici, ça ne parle pas de ses jugements comme juge à la cour. Tu sais, quand on dit à quelqu'un, il manque de jugement, c'est sa capacité de penser, de réfléchir sur les choses. Et ces voies, donc, il y a comme une espèce, il y a une partie commune entre les jugements, les voies de Dieu, les pensées de Dieu. En d'autres mots, c'est tout ce que Dieu pense et exécute, tout ce qu'il fait est infini. Essaye de comprendre ça, totalement. tu n'y arriveras pas. Ses jugements, ses voies, ses pensées aussi. Deuxième question, qu'est-ce que ça change qu'on ait un Dieu qui nous dépasse? Qu'est-ce que ça change? Un, et c'est très clair dans le texte, ça nous pousse à l'adorer. Un peu partout dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, alors qu'il mentionne des vérités, il tombe en adoration devant Dieu. À un moment donné, il parle de Jésus, puis il dit, « Ah, Jésus, lui, le Dieu éternel. » Et il tombe en adoration, chapitre 9, verset 5. Mais là, tout à coup, quand il pense au fait qu'il adore Dieu pour ce qu'il connaît, mais quand il pense aux choses, même qu'il ne connaît pas, ça l'amène à adorer Dieu parce que Dieu est tellement grand, tellement supérieur. Et tout le texte ici est une adoration, est une doxologie, pour employer les grands mots. Vous connaissez Proverbe 25, verset 2? Oui, mais je vous le cite au cas où vous ne vous rappeliez pas. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Pensez à ça. Ce qui fait que Dieu est glorieux, là, c'est qu'il y a des choses qu'on ne saisit pas, qui sont cachées à nos yeux. Ça, c'est la gloire. Puis il dit, la gloire du roi, c'est de sonder les choses. On doit de plus en plus tenter de comprendre. Mais la gloire de Dieu, vous l'adorez pour cela. J'espère, frères et sœurs, que quand vous lisez l'Écriture, puis vous arrivez, puis vous méditez sur l'éternité de Dieu, laissez aller vos méninges, là. Et Dieu est éternel. Ça devrait vous emmener à quelque part, à une dimension, si vous réfléchissez, méditez suffisamment, à dire, ça me dépasse. Et je t'adore, Seigneur. Quand vous vous mettez à réfléchir que Dieu a donné son Fils, Jean 3,16, qu'on connaît tous par cœur, on devrait se mettre à réfléchir et de dire, quoi? Dieu, le Père, a donné Dieu, le Fils. Il a donné sa vie à la croix. Son amour est insondable. Je ne peux pas comprendre ça. Alors, j'en comprends suffisamment, je me sais aimé, mais que tu es grand, et ça devrait nous emmener à l'adorer, n'importe quel aspect. Deuxième chose, qu'est-ce que ça change? Ça devrait nous pousser à être humbles. Humbles. À éviter l'orgueil spirituel. Ah, moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien. J'ai lu ma Bible une fois par année. Puis je connais pas mal tout ce qu'il y a là-dedans. J'ai commencé même à la lire un petit peu moins, là, parce que c'est toutes des choses que je sais. L'enfant de Dieu dit, après 40, 50 ans de vie chrétienne, Dieu, là, c'est un océan, puis j'ai à peine puisé une petite tasse d'eau de connaissance, de compréhension de qui est Dieu. Restons humbles. On est dans une société qui valorise la connaissance intellectuelle. Et des fois, je vois ça dans nos milieux, puis des docteurs, puis ils ont leur certificat en arrière, sur les murs, tout ça. On n'est pas contre la connaissance, mais on sait fort bien comment la connaissance enfle. Puis, il dit, si quelqu'un pense savoir quelque chose, là, il n'a pas encore connu comme il doit connaître. On doit rester humble. Dans le psaume 131, c'est un des plus courts psaumes de l'Ancien Testament, là, et David dit ceci. Il dit, « Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. » Donc, à l'intérieur, il ne se prend pas pour un autre, puis il n'est pas rempli d'orgueil. Puis des regards hautains, c'est de regarder les autres avec mépris. Il dit, « Non, non, je ne fais pas ça. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. » Il y a des choses qui me dépassent. Alors, ça me garde très humble. Il dit, « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. » Ce Dieu que tu ne comprends pas tout, c'est suffisamment pour te confier en lui. Mais il dit, « Moi, je reste bien humble, puis je ne méprise pas les autres. » Pourquoi on ne peut pas comprendre totalement Dieu puis qu'on doit rester humble? Bien, un, parce que tout simplement, nous sommes limités et que Dieu, lui, est illimité. Comment le fini, le limité, peut saisir, s'approprier de ce qui est illimité puis ce qui est infini. C'est impensable. Tu sais, si un arbre pouvait parler, puis on lui disait, « Veux-tu me décrire un homme? » Ben, il dit, « Il y en a déjà un qui m'a touché. » Avec ses sens à lui, un arbre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Et nous, nous prétendons pouvoir connaître Dieu totalement ou avoir une connaissance qui fait qu'on peut s'enorgueillir. Non, on ne peut le comprendre totalement. Nous sommes limités, il est infini. Et même dans l'éternité. C'est intéressant, l'apôtre Paul dit présentement, nous voyons d'une manière quoi? Obscure. Comme au travers d'un miroir. Les miroirs à l'époque, là, c'était de l'air impoli et ça ne valait pas cher, hein, on dirait en québécois. Et il dit, c'est comme ça qu'on voit. Puis dans le contexte d'un Corinthien, où il emploie ce texte-là, il parle même du don de connaissance. Ça veut dire que c'est quelqu'un là, qui est plus équipé même que les autres chrétiens. Il y a un don de connaissance. Puis il dit, même avec nos dons, on voit juste d'une manière obscure comme au travers d'un miroir. Mais il dit, alors, quand Jésus va revenir dans l'au-delà, nous le verrons face à face, nous le connaîtrons comme on a été connu. Et il y en a plusieurs qui prennent ce verset-là pour dire, on va le connaître comme on a été connu, Dieu nous connaît parfaitement, donc notre connaissance va être parfaite. Je ne pense pas qu'il est en train de nous dire qu'on va connaître toutes choses de l'autre côté puis qu'on va devenir omniscient. Mais on va avoir la même qualité de connaissance que Dieu a, c'est-à-dire que notre connaissance va être vraie et exacte, sans être totale. Je crois que c'est ça l'idée. Mais pour l'éternité, on va continuer à découvrir qui est Dieu de plus en plus. Même les anges qui sont dans la présence de Dieu regardent sur la terre l'Église pour connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors nous, dans l'éternité, même en le voyant, on va continuer à le découvrir, à être émerveillé et l'adorer pour ce qu'on apprend de lui. Donc, parce qu'on est limité puis qu'il est infini, c'est la raison pour une des raisons. La deuxième, en plus, on est pécheur. Ça veut dire que nos mécanismes pour connaître, pour apprendre, sont faussés. Regardez les disciples, Jésus les enseignait, ils comprenaient tout croche. Et Jésus leur dit, « Mais gardez-vous du levain des pharisiens, puis ils pensent qu'ils leur reprochent qu'ils n'ont pas amené du pain, puis ils sont complètement dans les patates bien souvent. » Parce que nos capacités sont faussées. On était vraiment maganés par le péché. Alors, non seulement on a de la misère à saisir qui est Dieu, mais le péché nous amène à croire des choses fausses, à arriver à des conclusions fausses. Et la troisième raison, c'est parce que tout simplement Dieu a choisi de ne pas tout nous révéler. Pourquoi on ne connaît pas tout de Dieu? Les choses cachées sont à l'éternel, Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'éternel. Les choses qu'il a révélées sont pour nous et pour nos enfants afin qu'on les mette en pratique. Alors, il y a des choses carrément que Dieu a cachées, qui a dit, vous n'avez pas besoin de savoir. Puis, il y en a d'autres qui nous ont révélées, selon on en a besoin, chaque jour, pour vivre d'une manière qui plaît au Seigneur, pour le connaître. Puis, surtout, il nous les a révélées pour nous, nos enfants, afin qu'on les mette en pratique. Ça devrait changer quelque chose dans notre façon d'agir. Donc, Dieu nous dépasse. Et il est infini. Et on doit être humble. Et savez-vous quoi? Écoutez-moi bien. Ça veut dire que régulièrement, frères et sœurs, vous allez être dépassés, perplexes, confus. Régulièrement, vous n'aurez pas de réponse à vos questions. Même des fois frustrés en lisant l'Écriture, en tentant d'expliquer ce qui vous arrive du mieux que vous pouvez. Vous allez être confronté face... Voyons, ça n'a pas d'allure dans ma compréhension. C'est ça que le chrétien vit constamment. Sauf que, parce que nous savons que Dieu est parfait, juste, saint, on est capable de dire comme David, « Je ne veux pas m'occuper de choses qui me dépassent. » Je suis humble, je suis comme un enfant sevré en paix auprès de ma mère, je peux mettre ma confiance en Dieu, tout simplement. Mais vous allez vivre cela, et c'est normal. Et il y a plein de gens dans l'Écriture qui le vivaient. Imaginez que vous êtes dans le cockpit d'un avion et il y a du... Ça brasse, puis on se demande si on ne va pas s'écraser, puis vous regardez le pilote. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites, « Hey, fais pas ça! Non, non, touche pas à ce bras-là! » Il dirait, « Hey, j'ai 1000 heures de cours, de fait. J'ai 2000 heures de vol. Veux-tu, s'il te plaît, te taire? » J'ai l'impression que des fois, Dieu, c'est ça qu'il aurait le goût de nous dire. Hein? Qui a été son conseiller? La réponse, c'est personne, mais dans les faits, on est tous des conseillers de Dieu, pas vrai? On y dit, « Hey, Seigneur, comment ça se fait que tu fais ça, là? Honnêtement, ça n'a pas d'allure, puis... Puis d'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, il y a tout le temps plein de questions, puis l'apôtre Paul, à un moment donné, il y a comme un interlocuteur fictif, là, puis Paul répond à des questions que probablement qu'il a entendues, puis tout ça. Puis à un moment donné, il dit, « Hey, attends un petit peu, là. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, vas-tu dire au potier, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Il y a un moment donné où on doit accepter notre position d'homme fragile, même pécheur, puis d'accepter que Dieu nous a donné un niveau de compréhension et de croire que quoi? C'est suffisant, puis que je peux vivre, marcher avec ça, plaire à Dieu et me réjouir de cela. J'ai l'âme calme comme un enfant sevré auprès de sa mère. Je suis capable d'être calme, en paix, dans la joie. Je suis capable de vivre à ce niveau-là, en toute humilité, en dépendance de Dieu, de ce qu'il me donne. Vous vous rappelez l'histoire de Job? Il y a une scène dans le ciel, les anges viennent auprès de Dieu, Satan, et Dieu dit, « As-tu vu, Satan, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui, Satan dit, si tu y... crée un peu de misère, tu vas voir, il va te maudire en face. » Dieu permet que Job soit éprouvé par le diable. Alors, on sait la suite, il a perdu ses biens, ses enfants, même à la fin, sa santé, ça n'allait pas bien pour lui. Et voilà l'homme qui se met à raisonner dans le livre de Job. Il y a les amis de Job qui expliquent. On est des experts, nous, pour expliquer. Hein? Il explique, « Job, si des grands mots comme ça t'arrivent, c'est parce que tu as péché. C'est la seule explication. » Job, lui, répond, puis il dit, « Non, non, c'est pas parce que j'ai péché. » Et des fois, il va loin, il dit, « Dieu, il est injuste. Dieu, il se fout de ce qui arrive aux hommes. » Et il fait des réflexions qui... On se dit, « Oh là là, attends un peu là, où est-ce qu'il s'en va, lui, là? » Comment se conclut le livre de Job? Dieu apparaît dans la tempête, parle à Job, et il lui pose des questions. 63 questions. Où tu étais, Job, toi, quand j'ai fondé la terre? Tu peux m'expliquer ça? Qui a donné l'intelligence aux animaux? Tu connais tout ça, toi, tu peux expliquer? Les nuages, le cycle de l'eau, tu sais ça? Qui donne de l'intelligence à l'homme? Tu peux m'expliquer? À toutes ces questions-là, Job n'a aucune réponse. On serait attendu que Dieu apparaisse et dit, « Job m'a tout expliqué ça. Regarde bien, il s'est passé quelque chose dans le ciel. » Je suis souverain, j'ai permis à Satan. Ce n'est pas évident, la responsabilité de l'homme, la souveraineté de Dieu. Il dit, Job, tu n'es même pas capable de comprendre ce qui se passe autour de toi, la création. Tu n'es même pas capable de me donner des réponses à mes questions. Penses-tu qu'on va parler à l'autre niveau? Il n'a même pas été plus loin que ça. Et qu'est-ce que Job, comment ça termine? Job dit, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépasse. Je me repens sur la cendre avec le sac. C'est quoi le thème du livre de Job? C'est que l'homme doit simplement faire confiance à Dieu sans comprendre parce que les voies de Dieu sont insondables. Et ça nous met en garde aussi de ces espèces de raisonnements humains, d'arriver à nos conclusions, d'être catégorique comme les amis de Job qui ont été punis sévèrement. Là. Et Dieu a repris Job aussi, moins sévèrement. Nous devrions éviter de critiquer Dieu, de contester avec Dieu, de conseiller Dieu, de tenter Dieu. « Seigneur, on a besoin de nourriture. » Peuple dans le désert, Ah non, on ne mangera pas de la manne comme ça là, pendant 40 années, ça n'a pas d'allure. On veut des cailles. Seigneur, tu ne sais pas, toi, ce qu'on a besoin pour vivre dans le désert ici. Là, on va te le dire, nous autres. Seigneur, si vous le voulez, je vous les envoie. Ils ont regretté. Ce n'était pas ce qui convenait. Les Juifs, à un moment donné, ils disent, Seigneur, là, ça ne marche plus. Tu ne comprends pas. Ça nous prend un roi. On ne veut plus que tu règnes sur nous. On veut un roi. Seigneur, vous voulez un roi? Parfait. Je vais vous en donner un. C'est ça que vous voulez? Vous êtes plus sage que moi, vous. Hein? Il leur envoie Saül. Bel homme, peut-être plus haute que les autres, puis qui ont regretté. Ils ont regretté. Oh, prenez garde de contester avec Dieu, de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Je vais juste terminer avec un texte que je trouve extraordinaire. C'est Jésus dans l'Évangile de Matthieu. Ça nous dit qu'en ce temps-là, Jésus prit la parole. Matthieu 11, verset 25, et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ce que je trouve extraordinaire ici, là, c'est que Jésus, alors qu'il parle à Dieu, il dit des choses que nous, généralement, là, ça vient nous chercher. On ne comprend pas, puis même on a tendance à dire, « Seigneur, là, ça ne me plaît pas là, que tu sois comme ça. Seigneur, tu caches des choses à des personnes. Il y a des personnes que, carrément, tu les voiles pour pas qu'ils comprennent. Je te loue que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Il me semble que tu veux que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, je ne comprends pas. Tu arrives juste un mot à dire, puis tout le monde sera sauvé. Tu es Dieu, tu fais ce que tu veux. Pourquoi les hommes ne sont pas tous sauvés? Pourquoi tu caches? Puis tu n'en révèles à des enfants pour qu'ils soient sauvés, eux. Ben, dans le fond, Seigneur, si tu fais ça, là nous, on réfléchit. Ben, bon, si tu caches... Même si quelqu'un voudrait être sauvé, il ne sera pas. Là, on tombe là-dedans. Là. Hein? Ah, bien, regarde, il y a des élus. Ça fait que ça ne sert à rien même d'évangéliser. Les élus vont venir de toute façon. Puis ceux qui ne sont pas, ils ne viendront pas. Dieu ne veut pas. C'est lui, il cache. Hein? Et là, nous autres, on réfléchit. Ah, bien, ça ne sert à rien de prier pour eux. D'abord, s'il y a des élus, ils vont venir. Puis s'ils ne sont pas élus, ils ne viendront pas. Prie pas, ça ne change pas grand-chose. Et là, on fait plein de raisonnements. Là, puis on va plus loin que l'Écriture. L'Écriture nous dit oui, Dieu est souverain. Ben, elle nous dit en même temps, évangélise, parle, prie. Comment je mets tout ça ensemble? Moi, je ne te demande pas de comprendre, je te demande d'obéir. Fais-moi confiance. Mais ce que je trouve le fun, là, c'est que Jésus, lui, qui est confronté à la même chose que nous, il dit, je te loue, Père. Parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Je te loue. Puis tout de suite, il va plus loin puis il fait un appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah, nous autres, on regarderait ça puis on dirait, bien, comment tu veux qu'il y aille à toi si tu lui caches des choses? Puis, ça, c'est notre raisonnement, là, nous. Hein? Jésus, il ne se casse pas la tête avec ça. Il dit, Dieu, il est Dieu, et je peux le louer pour certains points, puis je peux en même temps faire une invitation, puis je peux prier pour des perdus, puis je peux évangéliser, vouloir les gagner. Oh, notre réflexion. Et maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas réfléchir. Je dis juste, réfléchissons dans le cadre de l'Écriture. Et parce que Dieu est insondable, il va y avoir des paradoxes dans votre théologie. Il va y avoir des mystères dans votre théologie, des choses que vous n'arrivez pas à mettre ensemble. Ben moi, là, je suis bien à l'aise avec ça. Ma théologie, là, je crois que Dieu est parfaitement souverain, qui a élu des gens avant la fondation du monde, que tout ce qui arrive, il n'y a pas un oiseau qui tombe sans que ce soit la volonté de Dieu. Il n'y a pas de dé qui tombe et qui mette un numéro sans que ce soit Dieu. Il contrôle tout. Mais en même temps, je suis responsable. Puis je vais être imputable. Puis tous les hommes vont être imputables. Puis ce n'est pas Dieu qui fait le mal. Il n'est pas l'auteur du mal. Alors comment je mets tout ça ensemble? Je ne sais pas, mais je crois aux deux. Je crois que l'Écriture est parfaitement divine, inspirée totalement de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je crois en même temps qu'elle a été écrite par des hommes. Puis que c'est la parole de Paul, puis c'est la parole de Pierre, puis de Jean. Je crois que Jésus est parfaitement homme, parfaitement... Je crois à la Trinité. Comment on peut être un et trois? Mathématiquement, ça ne marche pas, je le sais. Mais dans les mathématiques de Dieu, ça marche. Et donc, votre théologie va avoir des mystères, des paradoxes, des apparences de contradictions. Mais dans la pensée de Dieu, il n'y a jamais de contradiction. Mais dans notre perspective à nous, mais faisons comme Jésus. Louons Dieu et obéissons. Amen.